Au cours de ces 30 minutes de méditation assise, tâchez d'accorder tout votre soin et votre attention à chaque instant, sans jamais vous préoccuper des questions de temps et en laissant le tintement des clochettes vous indiquer la fin de la séance. Engagez-vous simplement à accorder la même qualité d'attention à chacun des moments qui se présentent à vous, en l'honorant comme le seul moment où vous êtes vivant, le seul moment que vous pouvez étreindre. Aussi, accueillez le mieux possible chaque moment en pleine conscience. Peu importe les pensées, les émotions, les sensations, les impulsions ou les perceptions que vous pouvez croiser en chemin. Tout au long de la séance, vous maintenez autant que possible une posture droite et digne. La tête posée sur le cou et les épaules, le menton légèrement incliné vers l'avant. Assis sur une chaise ou par terre, laissez votre posture incarner une réceptivité calme et éveillée, une conscience pénétrante et clairvoyante. Asseyez-vous de sorte que votre posture même incarne une prise de position et manifeste un engagement ininterrompu à l'éveil et à la présence. Asseyez-vous avec l'immobilité et la présence d'une montagne, moment après moment, souffle après souffle. Accordant du soin et de l'attention à votre souffle, pendant toute la durée de l'inspiration et pendant toute la durée de l'expiration, moment après moment, respiration après respiration. Sans chercher à produire quoi que ce soit, sans rechercher un état ou une expérience particulière, vous cultivez simplement la volonté d'étreindre le moment présent dans la conscience, de chevaucher les vagues du souffle, vous ouvrant à chaque moment nouveau, sans attente, laissant le passé s'écouler sans interruption, et chaque instant, neuf, émerger avec le présent. alignant votre corps ici, vous demeurez non seulement assis, mais assis en sachant que vous êtes assis, habitant complètement votre corps, pleinement présent à cette inspiration, pleinement présent à cette expiration. Il n'est pas rare d'éprouver des sensations de douleur ou d'inconfort lorsqu'on reste aussi longtemps assis, en silence. On peut aussi éprouver des sensations d'ennui ou de gêne, d'impatience ou d'agitation, ou être confronté à des fantasmes, des souvenirs, à des états d'âme, des émotions, comme la tristesse, la peur ou la colère. Ces états d'âme et bien d'autres peuvent aisément vous détourner de votre détermination à observer simplement le déploiement de tous vos instants présents. Lorsque c'est le cas, à titre d'expérience, voyez si vous pouvez étendre le champ de votre conscience, de sorte qu'elle puisse accueillir, contenir toutes sortes d'expériences susceptibles de survenir, en les berçant toutes dans la conscience, comme si vous les plongiez dans une grosse marmite de pleine conscience et que vous les laissiez simplement mijoter là, sur le feu de la conscience, moment après moment. Vous respirez avec elles et surtout, vous vous rappelez qu'il ne s'agit pas d'en faire quoi que ce soit. La pratique consiste simplement à observer ce qui est présent, à sonder ce qui se passe à tout moment, à demeurer dans le calme de l'être, moment après moment. En particulier dans les instants où un fort courant du mental et du corps, tel que la peur ou la colère, le regret ou l'impatience, vient troubler le calme sous-jacent, et ce faisant, peut détourner votre attention du présent et l'emporter ailleurs. Aussi, pour l'instant, demeurez avant tout présent à la sensation du souffle dans votre ventre, ou si vous préférez, à la sensation de l'air dans vos narines. Si vous êtes concentré sur le ventre, sentez-le se gonfler doucement à l'inspiration et se dégonfler doucement à l'expiration. Et revenez au ventre et à ses mouvements. Chaque fois que votre esprit est emporté ailleurs et que vous avez noté où il est parti, faites de même avec le souffle dans les narines. Et utilisez les moments de silence pour poursuivre seul la pratique. assurez-vous que votre attention est posée sur votre souffle à cet instant. Si et quand vous en avez envie, vous pouvez essayer d'étendre le champ de la conscience autour de votre ventre et autour de votre souffle, jusqu'à inclure la sensation du corps entier assis, ainsi que l'univers de sensations individuelles dans le corps, tout en vous approchant de l'immobilité, assis sans bouger. Le silence étreignant tout, doucement, soigneusement, dans la conscience, moment après moment. pleinement ici, dans votre corps. Corrigez si nécessaire votre posture pour refléter un sentiment de présence et de dignité. Et à présent, vous pouvez envisager de laisser complètement votre souffle et votre corps et de demeurer simplement dans la conscience sans ancrer votre attention nulle part, présent avec tous les événements qui surviennent moment après moment. Accueillez-les dans la conscience. Regardez-les évoluer. Laissez-les mijoter dans la marmite de la pleine conscience. Souvenez-vous, si nécessaire, d'être compatissant et généreux envers vous-même. De délaisser le jugement, la convoitise, le rejet. D'abandonner les pensées. Et de demeurer simplement dans l'immobilité. Et la présence, dans l'intemporalité, en accueillant tout, en ne vous accrochant à rien. Et avant que cette séance ne s'achève, ramenez peut-être le souffle au premier plan de votre attention, puis le corps entier, simplement assis, simplement présent, simplement ici, maintenant, éveillé, vivant, immobile. Pensez peut-être qu'il est possible d'appliquer la pleine conscience aux événements et aux faits de votre vie quotidienne, au-delà de la pratique de la méditation formelle, car c'est dans la conduite de votre vie quotidienne que réside la pratique et les défis les plus profonds de la pleine conscience.